M'amuse. M'amuse, ouais. Ça fait longtemps que j'ai plus pendu un cesse d'un coup. Ces derniers temps, c'est le trou. J'écris plus cesse d'un coup. Ma plume sèche d'un coup. J't'avoue que ça me stresse du coup. Mes textes sont flous et rien ne me rend plus fou. Quand rien ne remplit ma feuille, ces jours de deuil et mon inspire est morte. S'il te plaît, m'amuse. N'est-ce pas seul sur le seuil de ta porte. Tant de choses à m'apporter. C'est quand j'écris que j'ai l'impression que le bonheur est à ma portée. Pourquoi t'es parti? Pourquoi je vis cette accalmie? Pourquoi t'es partout? Sauf chez moi, croire que tu m'as banni. T'étais omniprésente quand j'ai bâti mon royaume. Et j'ignore pourquoi maintenant tu n'oses plus descendre. Bon j'avoue, c'est le désordre et pas encore le désastre. Et à force de me dire, tu vois tu parles encore désastre. Moi, je voudrais juste que tu reviennes me percer. Que je puisse à nouveau déverser l'encre et rapper mes vers. Et car je me sens comment te dire, au bout du stylo. Sans te mentir, l'impression d'être seul sur un îlot. Pourtant tu m'as toujours guidé afin d'être à flot. Mais j'ai dû accoster de force depuis que ma barque a pris l'eau. Apprivoisé, ça fait des années que j'essaie. Mais tu restes sauvage et j'ai capté que rien ne sert de te coincer. Mais malgré ça, je continue sur ma lancée. Je te demande de m'enlacer. Si je te saoule, je te demande de m'excuser. Mais mon passé, c'est impossible, toi-même tu le sais. À jamais lié, j'aime quand tu envahis mes pensées. Quand tu me pousses à me dépasser, à traquer les rimes dans le fossé. Garder les meilleurs des mauvaises mondes. Débarrasser. Tu sais, je n'ai jamais cherché à embrasser le flou, mais à embraser la foule. Et que mes mots leur filent la chair de poule. Comme ce jour où on s'est rencontrés, je me rappelle, c'est Julie qui nous avait présenté. Depuis, c'est toi qui m'as appris à tourner la page, à faire de mes fautes des leçons depuis le son. Mais à sortir doucement de ma cage, mon inspiration est trop macabre. Le dit-on, nous méditons, malheureusement percé par les désillusions. Les coups de blouse sont fréquents, mon rap est infréquentable. Si tu cherches la joie, ne t'assieds pas ce soir à ma table. Sans elle, je suis en perdition, j'ai l'âme sans flamme. Mais en faire une lamentation serait lamentable. Je me rends pas compte, mais en fait je m'attarde sur ces bouts de papier. Je m'agrippe au stylo comme un gamin qui dans l'eau n'a pas pied. T'es un peu ma seule bouée, ma pelle est sombre dévouée. Je n'ai jamais été très doué en amour avant de te trouver. Je ne veux rien rénover, je resterai dans mon art déco. Pour qu'au moins on puisse encore danser sur une prod de Marcello. J'en ai Marcello, ça fait déjà 47 mesures que je développe l'impression de rester bloqué à l'entrée de tes murs. Ce qu'il disait, aussi clairement que je te comprends.